Activité 12. Regarde comme elles se ressemblent, la mère et la fille. Fais voir, c'est qui ? Bah, c'est Laura Smet. Tu sais, c'est la fille de Johnny et de Nathalie Baye. Ah, mais alors, c'est la demi-sœur de David Hallyday ? Oh bah, ils ne se ressemblent pas du tout. Si, un peu. Regarde, ils ont tous les deux les yeux de leur père. Oui, ok. Mais sinon, elle ressemble vraiment à sa mère.